Oh oh oh, belle de nuit. Oh oh oh oh, que cette vie. Oh oh oh oh, qui nous fout en l'air. Oh oh oh oh, où va-t-on pour ne plus se taire. Oh oh oh oh, les filles de l'air. Oh oh oh oh, qu'est-ce que tu fais avec tes doigts. Oh oh oh oh, oh oh oh oh, qu'est-ce que tu fais avec tes doigts. Oh oh oh oh, la trompette ou le tuba. C'est pas normal qu'il faille subir. Oh, subir encore de la souffrance et puis la mort. Oh oh oh oh oh oh oh. Oh.